Je disais que ça affiche les accords. La basse, tu vois, t'aurais ton manche qui s'affiche pour apprendre quoi. Comme là, je suis en train de galérer. J'ai pas la fin. dire, j'en ai. Comme je réécoute le clip d'après, c'est que je perds. C'est la quatrième. Alors. j'ai à peu près capté. En fait, je travaille juste la fin, mais il faut attendre toutes les mesures là. Il y a un blanc, c'est ça, toi ? Vous avez là. Tu appelles ça en fait. Je crois que j'ai capté le truc. Petit à petit ça rentre dans ma tête. Petit à petit ça rentre dans ma tête. Mais j'aime pas la fin. J'ai un peu de mal moi avec le jazz.